Évidemment, on peut plus chercher, tu sais, comme chercher un vidéo qui date, puis d'essayer de le retrouver. Tu sais, l'ancien YouTube de v'là 5 ans qui était pas genre faire le plus d'argent possible tout le temps. Vous pouvez retrouver des shit. Maintenant, toutes les vidéos que tu trouves, c'est tout du clickbait qui ont comme reposté le vidéo ou des compilations de genre. Qui a probablement ton vidéo dedans, pis c'est comme, ils ont volé le contenu, pis là, ils font de l'argent là-dedans. C'est comme, pis YouTube est comme genre. Pas grave. Ah, c'est vraiment les publicitaires qui gèrent YouTube à cette heure, là. Nous sommes le jeudi 27 août 2020. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 288. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. C'est et juste nous ce soir. C'est le chillcast. Pourquoi c'est le chillcast quand on est deux? Parce que ça, c'est comme. Ça. Je sais pas, c'est plus chill, I guess. C'est comme si genre. Pas comme. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est à chaque fois que c'est moi pis toi, fait que c'est comme si Blob nous empêchait d'être chill, tu sais. Mais c'est ça que j'allais dire, j'étais okay. Comme, c'est pas comme si Blob c'était un paquet de nerfs, là. Mais c'est peut-être aussi parce que. Je sais pas, je suis fatigué un peu, là. C'est... Comme je dors mal, pis j'ai des allergies, pis là je suis comme. Ouais, c'est pas mal l'allergie cast aussi. C'est la saison. Ouais. Fait que si jamais vous entendez plus rien, vous les auditeurs, pendant un certain temps. On se mouche. C'est probablement parce qu'on est tous les deux en train de se moucher. Puis on comptait sur l'autre pour continuer à parler. Exactement. Fait que, ouais, cet épisode-là, c'est peut-être mieux de pas le regarder en vidéo. Ça risque de pas être impressionnant. D'ailleurs, j'ai aucune idée s'il y a du monde dans le chat. En tout cas, s'il y a du monde dans le chat, j'ai encore oublié de partager le lien. Ah, mais là. Ça doit être pour ça. Ah, mais là. Fait que là, pendant que je partage le lien, de quoi qu'on va parler? On pourrait commencer, on pourrait revenir sur le sujet qui nous avait bien fait jaser il y a 2 semaines. Mm-hmm. À propos de Fortnite, qui avait changé ses méthodes de paiement pour bypasser Google et Facebook et Twitter et Apple. Je vais toutes les nommer. Donc Apple et Google n'étaient pas contents. Apple avait banni Fortnite du App Store. Et quand on faisait le podcast, je pense qu'on n'avait pas encore reçu la nouvelle, mais Google a banni Fortnite aussi pendant le podcast, genre. À cause de leur monétisation, ça, je sais pas si on... Oui, dans les deux cas, c'est à cause que Fortnite a changé leur méthode de monétisation. Chose que, tu sais, comme je disais l'autre fois, ben, tous les développeurs se font... qui tentent de faire quelque chose de même plus subtil que ça, se font ban. Même récemment... J'ai vu passer que Apple avait banni l'application de WordPress. Oh, WordPress, okay. Qui est un système de blog, puis de site web, là, qui est très, très, très, très utilisé. L'affaire, c'est que WordPress, c'est open source. C'est une compagnie à but non lucratif. Ah oui, pour vrai. Ils font pas d'argent. Tu peux pas acheter de quoi avec l'application. Ok. Fait que c'était quoi le problème? Ben, il faut quand même que tu payes pour ton hosting. C'était tout ça. Ouais, mais ça, tu t'abonnes en dehors, puis tu fais juste utiliser l'application pour te connecter. Mm-hmm. De la même manière que genre, si t'achètes un. Avec Comixology, l'application pour regarder des BD de Amazon, ben, t'achètes la BD sur le site web d'Amazon, puis après ça, tu l'as accessible dans Comixology, mais tu peux pas l'acheter à partir de Comixology parce que Amazon veut pas donner 30% à Apple et Google. Fait que t'achètes tes comics sur Amazon, puis l'autre, c'est juste un lecteur, ça. Ouais, genre. Puis, c'est ça, dans le cas de WordPress, c'était genre une méthode vraiment détournée. Genre, si tu faisais un preview de ton site web, puis que là, t'avais gardé le lien de... Genre, qui t'amène sur le site de WordPress, parce que comme par défaut, ils mettent des exemples. C'est comme, ils mettent... Quand t'installes un nouveau site web, ils te font une espèce d'exemple de site web avec des du lorem ipsum, puis des petites phrases cute, ouais. puis des petits liens. Notamment un lien vers WordPress.com, qui est la partie commerciale de WordPress.org. Puis okay. la partie .com, là, tu peux effectivement t'abonner comme en passant par ton site web. Fait que c'était comme dans l'application, il y a un lien qui mène vers un lien, qui mène vers un lien, qui mène vers la possibilité de t'abonner. D'une façon, est-ce que Apple pogne pas 30% de revenus? Ouais. Mais comme c'était zéro, tu sais, comme il y a pas personne qui a dû faire ça, c'est tellement détourné. Ben, le c'est monde qui juste que l'utilise là. Devait déjà avoir leur abonnement, là, comme. Ben oui, évidemment. C'est ça. Parce que comme. Tu pouvais pas vraiment t'abonner de cette manière-là. C'était super tordu, puis y a personne qui faisait ça. Mais comme Apple a fait comme « Ah! Oh, on a trouvé une manière! » Fait que là, on vous banne. Ah, OK. Fait que là, comme WordPress était comme « Bon, I guess qu'on va être obligé d'intégrer des microtransactions. » Puis là, c'est sorti des médias. Puis là, comme Apple aurait comme vu ça, puis aurait comme dit genre « Ouais, ben, vous êtes pas obligé, mais... » pourriez juste enlever les liens problématiques, puis ça serait correct. Fait que là, finalement, l'application, je pense qu'elle est revenue. Ou en tout cas, ils se sont... Apple l'a fait comme, oh, oups! On vous a banni trop vite. Ah. Mais ça fait quand même plusieurs mois de ça. Là. Mais c'est juste que c'est sorti des nouvelles comme ce mois-ci. Ben, parce que puis là, là, tout le ben, monde t'sais... jase de ça. C'est ça ouais, fait que là, ça. t'avais un paquet de développeurs open source qui étaient pognés pour implémenter des microtransactions dans l'application, puis c'est comme, mais ils feront pas d'argent avec ça. C'est comme, c'était comme tellement n'importe quoi. Anyway, bon, en tout cas, ça, c'est réglé, mais ça montre à quel point que les stores sont tellement Ils sont monopolistiques, accrants, genre, là. pis... Fait que, c'est ça, là... Apple avait, donc, et Google avaient enlevé Fortnite. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que là, Apple a continué à... Tu sais, quand ouais. Epic avait répondu avec une action en justice, donc, comme un gros document qui ont sorti immédiatement. Oui, La preuve, c'était la preuve c'était qu'il était prêt, si genre. prêt. Il attendait juste comme, on va se faire bannir, puis là, comme, on vous poursuit en justice avec un immense document légal de 60 pages. Ce à quoi Apple a répondu en menaçant Epic de bloquer leur accès aux outils de développement sur Mac. Ils l'ont pas fait, carrément? Ben, ils ont menacé, ils ont comme... Évidemment, tu peux pas me dire ça puis pas donner un petit délai, là, parce que c'est comme... Sinon, c'est vraiment intense. Mais finalement, il y a eu un truc en justice... Un truc préliminaire en justice cette semaine dans lequel la juge a déterminé que c'était exagéré de bloquer que Apple bloque Epic. Parce que, juste pour clarifier, là, ça bloquait pas juste Fortnite, là. Ça bloquait l'outil de développement Unreal, l'engin de jeu Unreal. Fait que ça veut dire que personne... C'est comme n'importe quel studio qui utilise Unreal n'aurait pas été capable de l'utiliser sur un Mac. Ce qui est quand comme même ça un peu prend un débile. Mac pour faire des builds de Mac et des builds de téléphone pour Apple, pour iOS, tu peux pas... Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire un... Si tu veux faire ton jeu sur Apple, sur iOS, ça te prend un Mac. Tu peux pas faire ça, pas de Mac. Mais là, si Apple bloque Epic... Le Unreal Engine sur les Mac, ben ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut compiler de version iOS ou Mac de ces applications. Qui est terrible. Fait que là, la juge a dit comme Ce qui affecte là, non. tellement de monde, là. Là, ça suffit. Ouais. Puis c'est surtout, ils ont dit que c'était exagéré. Puis tout ça. Ben ouais, ça Ouais. l'était, là. C'était un peu petty. Puis par contre, la juge n'a pas empêché Apple et Google de bloquer Fortnite. Fortnite, Fait que ouais. Mais Fortnite est encore bloqué. c'est une Et application. la raison que la juge a donnée, c'était genre, vous pouvez pas dire que ça vous a causé un tort irréparable quand c'est vous qui avez comme fait exprès. Tu sais, comme vous le saviez, là. Surtout que, tu sais, Epic, il avait préparé la poursuite en justice, puis le document légal, mais il avait aussi préparé leur campagne marketing avec les vidéos, puis tout ça, puis la campagne Free Fortnite sur Facebook, Twitter, puis Instagram. Tu sais, comme, il était prêt, là. Il y avait les vidéos, il y avait le marketing, il y avait les press releases, tout prêt pour genre, OK, on a implémenté le nouveau système, on attend de se faire ban. Alright, on est ban, let's go! Oh, ouvrez les portes! T'as-tu vu toute l'espèce de campagne de PR qu'ils ont essayé de faire autour de ça pour gagner l'attention du public? C'est genre Ouais? Freedom for Fortnite, quelque chose de genre. Ça, c'était... Hashtag Free Fortnite. Ouais, c'est ça. C'était pas propre, ça. Parce que leur pub, c'était genre... c'est 2020, pas 1984. Ce qui, Est-ce que t'as genre... compris ce que c'était? Ouais, Cette pub. c'est une Est-ce que t'as référence à... reconnu la pub? Je l'ai pas vue, j'en ai entendu parler. Parce que ils ont parodié dans l'univers de Fortnite, ils ont parodié la vieille pub de Apple Oh, pour vrai, ce cheveu. qui était sortie en 1984. What? C'est pas juste une référence à George Orwell 1984? La pub originale de Apple, oui. Oh, ok. OK, en 1984, il y avait une exposition qui s'en venait, puis Apple avait fait une pub télé qui s'appelait 1984, justement, qui référençait le roman 1984 de, t'as dit George Orwell? OK. Qui était sorti en 1948, le Oui. contraire de 84. Ah, c'est pour ça. Fait qu'il était sorti en 48, puis dans lequel Apple annonçait essentiellement, tu voyais comme une armée de travailleurs esclaves qui essentiellement se prosternait impuissant devant Big Brother slash Windows slash IBM dans le temps. Et là, Apple annonçait, bientôt, il va y avoir une révolution. Puis là, tu voyais la madame qui était, je pense, la gagnante du lancer du marteau aux Jeux Olympiques l'année d'avant. Ok. Comme ils l'ont invitée à venir faire la pub. Fait comme, elle D'accord. tourne, elle, un marteau, elle détruit l'écran. Puis là, le message, c'est comme, vous allez voir bientôt, Apple va annoncer un nouvel ordinateur qui s'appelle le Macintosh. Et vous allez comprendre pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984, Oh, le livre. ok. Puis comme, Oh, man, je savais pas. honnêtement, c'est clever comme pub. C'est une bonne pub. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Pour l'avoir revu récemment, je trouve que c'était comme vraiment, tu sais, c'est une chose de faire cette pub-là quand t'es Apple de 1984, qui est une mini-compagnie, qui ont une coupe d'ordi, puis que comme ils ont pas, c'est des nobody. C'est un nom d'affaire de revoir la pub aujourd'hui, puis faire comme, OK, Apple est rendu comme une des trois plus grosses compagnies dans le monde. Ouais. Comme, Une chance que je c'est pas eux pense autres qui l'ont rebooté, leur pub. J'ai lu quelque part que c'est la compagnie qui a comme le plus d'argent ou qui vaut le plus cher. Comme ils ont atteint le trilliard de dollars, genre. Holy shit. J'ai zéro surprise, là. Ils Puis je suis font comme, tellement de cash. c'est ça. Fait que comme, les grosses compagnies. Fait que comme, mettons que cette pub-là que je trouvais à l'époque, tu sais, comme j'ai écouté ça, là, mettons 10, 15 ans, là, quand j'étais plus jeune. sais, je la trouvais vraiment cool. Puis là, c'est ce qui a contribué, en fait, que j'ai été fanboy d'Apple pendant vraiment longtemps. Puis comme, je le suis encore un petit peu à certains égards. C'est dur de s'en défaire. Mais regarder cette pub-là aujourd'hui m'a comme un peu donné le mal au cœur, là, parce que j'étais comme... Ouf, ouais. Ben, tu sais, surtout moi, ces temps-ci, là, qui est comme... qui a comme réalisé que tous les problèmes qu'on a dans la société, c'est à cause du capitalisme. Puis là, t'as une pub d'une compagnie capitaliste qui parodie un régime communiste, esclavagiste, dictatorial. Tu sais, comme... Et... ça s'écoute moins bien en 2020, mettons. Puis là, Epic qui reprend ça, qui font leur version avec les bonhommes de Fortnite, avec la même madame qui lance un marteau ou quelque chose dans l'écran pour péter comme. Fait que là, ça s'est rendu Fortnite. Fait que là, mais là, l'affaire, c'est que là, on est quoi? C'est quoi, là? On est supposé penser que Fortnite, c'est le underdog dans cette histoire-là? Comme. La pub marchait en 84 parce que Apple était vraiment underdog. Fortnite, c'est pas exactement. C'est comme le jeu C'est le pas plus joué. exactement ça. Ouais. Puis, Comme. Puis Epic, c'est comme l'une des plus grosses compagnies de jeux vidéo qui font comme tellement d'argent puis qui ont été capables de se partir un store puis de démolir la concurrente. Mais ce qui est un peu Bon, ils fou, ont pas c'est que. encore renversé Steam, là, mais. On dirait que l'idée, c'est que par rapport à Apple, qui vaut des trilliards, ben. Voyons, Epic valent juste des milliards, donc ils sont un underdog. Ouais. Sauf qu'après ça, que, tu sais, c'est comme tu disais, genre, ils ont fait une campagne pour essentiellement transformer les joueurs Ben, c'est ça, ce que j'écoutais. en mouvement. Évidemment, j'écoutais Waypoint Radio, là, parce que eux autres, oublie ça, ils sont partis là-dessus pendant genre 2 heures de temps. Ce qui est fou avec ça, c'est que le bassin de joueurs de Fortnite, c'est des enfants. Cette pub-là, il n'y a aucun jeune qui l'a compris. Aucun. C'est sûr. Il n'y a aucun jeune qui comprend la référence à 1984. Puis encore moins que tu vois, moi, je ne savais pas pour la pub de Apple. Fait que, tu sais, fait que genre, mais quelle espèce. À qui ça s'adressait? Puis c'était quoi le but de cette pub-là? Les journalistes, Genre? adultes. Genre. Ouais, mais c'est un peu ça qu'il disait Waypoint aussi, puis il était vraiment très triste de voir qu'il y a des journalistes qui sont un peu comme tombés dans le panneau, puis qui ont partagé le hashtag Free Fortnite, comme si Fortnite était en danger, comme si, genre, il fallait le sauver, là, comme si. Mais encore là, c'est un call to action, mais genre, vide. C'est juste un hashtag. Ils peuvent rien faire, là, c'est en cours, il va falloir que ça se règle, mais comme, il y a rien ni personne qui peut faire de quoi en ce moment. Ben, Qui va, tu c'est sais, sûr que la si juge, elle les va pas juges. lire les hashtags sur Twitter, là. Ben, Ouais. peut-être, mais peut-être pas. Je C'est sais pas à comme. quel point. Puis c'est ça, c'est que c'est pas leur bassin de joueurs, comme, les kids vont juste être Ben, complètement la juge va confus. peut-être pas lire les hashtags sur Twitter, mais elle va lire les articles dans le journal. Puis plus les gens y en parlent sur Twitter, plus ça va sortir dans les médias plus traditionnels. Mais qu'est-ce que ça change? Mais pour le juge, ben, c'est comme, oh, il y a du monde, il y a les particuliers. Tu sais, ce juge-là, essentiellement, les juges qui parlent des campagnes antitrust, j'ai pas le vocabulaire, là. Je sais pas c'est quoi les mots Ouais, on légaux. n'en plus. Donc, C'est juste les que j'ai trucs. l'impression que ça va être un jugement beaucoup plus technique, là. Je suis pas sûre que l'opinion publique a sa place dans un jugement comme celui-là. Ben, Tu mais penses que oui? pourtant, ça devrait parce que c'est. Ces actions-là sont faites pour protéger nous contre les grosses compagnies. Ils sont là pour comme Ouais. tuer les trop grosses compagnies. Puis la dernière fois qu'on en a vraiment parlé, c'était en 95, genre 97, 2000, À propos de. quand c'était Microsoft qui se faisait accuser d'être monopole. Ah, OK. Puis, la justice avait gagné. Microsoft a été obligé de reculer puis d'enlever Internet Explorer puis des choses comme ça. Ce qui a un peu permis à de la compétition et ce qui a un peu permis, I guess, à Google de prendre le tas. Genre, c'est ça qui Ok, m'énerve dans cette je suis pas histoire-là, au c'est que courant. comme Les trucs antitrust, souvent, t'es en brise une, puis ça fait juste remplacer. Tu sais, Ouais. là, je vais être un peu comme. J'ai peur que ça sonne un peu raciste, là, mais tu sais, comme dans les autres pays, quand ils renversent un gouvernement dictatorial, puis là, 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, t'apprends qu'il y a un nouveau dictateur qui est rentré. Ouais. Il est Puis là, juste comme un an, il était dans 2 ans l'autre plus tard, partie. il le renverse, puis là, il y en a un autre qui Ouais. rentre. C'est comme juste une. Ben. Tu sais, puis là, on se moque un peu de ces pays-là, d'une certaine manière. On fait comme, ah, oh, check, eux autres sont pas capables de s'organiser. Mais check, nous autres! On renverse Ouais. un monopole, puis il y en a tout de suite d'autres qui reprennent la place. C'est comme, on n'est pas capables, nous autres non plus, là. Puis les grosses compagnies, ils le savent, là, puis ils grossissent, puis. Mais c'est C'est pour ça, ça que moi, c'est au-delà avantageux de. de voir Ah, deux vas-y. grosses compagnies qui vont se cogner puis qui vont causer du changement, mais ouais, qu'est-ce qui va sortir de ça? Ben, d'une certaine manière, moi je pense comme c'est vrai que Epic a pas tant à gagner dans cette histoire-là. Parce que en ce moment, en se battant en cours, de un, ça leur coûte plein d'argent. De deux, ils ont plus le revenu de iOS, puis de ben, ils ont plus de revenus sur mobile essentiellement. Epic, ça? Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Epic. Ben je sais pas, parce que les gens peuvent quand même jouer, mais ils peuvent juste pas l'updater, ils peuvent sûrement acheter des V-Bucks, je sais pas. Ouais, mais comme à un moment donné, il va y avoir un update qui va péter, puis là, ils pourront plus jouer. Ah, mais en ce moment, ça doit pas. Puis Ils doivent comme être encore corrects. sur Android, tu peux installer le APK directement sur le site de Epic. Fait que tu peux quand même bypasser ça. Chose que. By the way, Google, à chaque nouveau téléphone puis chaque update d'OS qu'ils font, rend de plus en plus difficile d'installer des applications pas par le Play Store. Il y a de plus en plus de warnings pour te faire peur, essentiellement. Ah ouais. Ce qui est correct pour te J'en faire ai peur quand une, c'est je des pense, virus, puis c'est genre mais c'est ça, ils veulent pas. Fait que là, comme ça fait peur, t'es comme, oh, mais là, je veux-tu vraiment installer le launcher de Fortnite sur mon téléphone? Ouais, surtout si c'est le parent qui l'installe puis qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, puis c'est juste le kid qui est comme oui, mais ouais. Ouais. Fait que, tu sais, Epic, en ce moment, ben, à part, tu sais, ils perdent beaucoup de revenus. Tu sais, oui, ils donnaient 30% aux deux géants, mais en ce moment, ils ont perdu 70%. Ils ont perdu tout, à part les peanuts qui leur restent sur Android par ceux qui l'ont installé sans passer par le Play Store. Fait comme, Ben, tant qu'il n'y a puis pas une s'ils update, je suis pas gagnent, sûr qu'ils ont ils perdu gagnent tout. quand même juste 20%. 20% sur mobile, alors que genre. Ah, oh, je suis sûr qu'ils ont un Pense. gros player base sur mobile. Tous les kids doivent jouer sur une tablette ou Oui, sur un mais téléphone. C'est comme. sûr qu'il C'est y a un quoi le gros player pourcentage base. de leurs revenus qui vient de pas mobile? Ah, bonne C'est question. comme. T'sais, mettons qu'ils vont réellement chercher 20%, mais c'est 20% de combien? T'sais, si c'est 20% de genre 10% de leurs revenus, bon, ça, c'est peut-être plus que ça, mais. Tout ça pour dire, c'est peut-être. Epic a beaucoup à perdre. Fait que comme, Oh je non. peux un peu le croire quand Leur ils revenu, c'est disent que. fucking gros sur mobile. Ils ont Ouais, atteint un sûrement, mais. milliard de dollars d'argent en microtransactions sur mobile depuis que Fortnite est sorti. Juste 1 milliard? Ouais, au mois de mai. Je me serais attendu à plus, Ah, pour honnêtement. vrai? Ok. Je sais pas. Je sais pas supposé de combien, mais en tout cas, ouais. Je trouve ça Alright. beaucoup. Fait que, ok, ouais, sure. Fait que là, ils vont chercher 20% de plus. Bon, alright. Mais tu sais, Epic, ils se sont. Je pense qu'il y a quand même. Autant ils sont gros, autant c'est quand même une immense compagnie capitaliste, autant il y a quand même. Tu sais, il y a quand même un bon fondement, je pense, dans ces poursuites-là. Puis dans Ah, il y a celle-là, un mais aussi dans intérêt. le Epic. Dans le Epic Store qui donne beaucoup plus aux développeurs, qui fait des deals incroyables, Qui brise un peu le monopole de Steam, comme. qui brise un peu le monopole de Steam. Tout ça, c'est bon, là. Oh oui. Tout ça, c'est bon. C'est bon qu'il y ait de la compétition entre les grosses plateformes. On peut espérer que ça Plus va il y a de créer un gros. précédent qui va être avantageux pour tout le monde, là. Ils donnent plus. Je sais que leur engine, ils donnent. Je pense que si tu sors ton jeu sur Epic Store, t'as même pas à payer la partie de l'engine. Ils sont Exactement. comme genre, on te donne l'engine. Un engine, c'est cher, là. Un game engine comme Unity, là. Ben, Unity puis Unreal, ils te demandaient genre, je sais pas, quelque chose comme 10% ou 5% de tes revenus. Pour l'engin de jeu. C'est quand même beaucoup d'argent, là, quand de tes revenus. Puis là, ben, ça, c'est une autre cote que t'as pas besoin de payer si tu sors sur le Epic Store, parce que Epic sont comme, gars, ce 5%-là, on s'en fout, tu vas nous donner 12%, fait que nous, on est Ouais, c'est ça. correct. Puis comme, Il te l'ajoute pas. 12% comparé aux 30% de toutes les Steam. autres plateformes. Ouais. Tu sais, je lisais que, genre, tu sais, peut-être qu'au début du App Store, 30%, ça avait l'air bien. Puis effectivement, quand c'est sorti, Apple avait sorti l'App Store en 2009, je pense, Ils dans ce n'ont pas eux coin-là. autres aussi un taux préférentiel pour les compagnies qui font des millions de dollars? Je pense que j'ai vu passer Pas ça. à ma connaissance, pas Non. ouvertement. Ah, ok. Travaille là-dedans, fait que je pense que je le saurais. Ok. Bon. Je sais Mais plus où j'ai peut-être pas. pogné ça, ouais. Steam a fait des. Oui. Quand Epic avait annoncé ça, Steam a fait, ah, oh, ben nous autres aussi, on va vous donner un taux préférentiel, mais il fallait que tu gagnes plus que 1 million Ouais, pour pouvoir ça avoir c'est. accès à ce taux-là. Fait qu'essentiellement, tous les petits indies ont comme, ben vous l'aurez pas. Mais c'est ça qui est fou, parce que ça veut dire que justement, Epic est un bon deal pour les petits indies, puis Steam a décidé de se positionner du côté des grosses compagnies qui faisaient des gros bidous. Ouais. C'est Puis quand même intéressant comme choix, là. ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, 30% à l'époque, c'était une aubaine. Parce que comparé au magasin, tu faisais encore moins. Tu donnais bien plus au magasin, puis aux distributeurs, puis aux compagnies de shipping, puis à toutes ces affaires-là. Fait que, comme, si t'avais le choix entre, comme, ah, oh, c'est soit je perds 50% ou je perds juste 30%. Ah, ben, je vais y aller avec le 30%. Puis, tu sais, à l'époque, les plateformes étaient nouvelles, il y avait quand même beaucoup d'infrastructures à construire. Fait que, OK, 30%, c'était un bon chiffre. Après le Aujourd'hui, virage digital. tout est automatisé. Ouais. Comme si ça coûte pas 30% de tes Non, revenus non, non, pour ils être font sur du Steam. cash. C'est juste Steam qui est comme, ben, on peut prendre 30%, C'est ça. fait qu'on va le prendre. Puis, t'as pas ton mot à dire. Ah, mais quand c'est toi qui as le monopole du marché, tu peux bien faire ce que tu veux, puis dans le fond, c'est ça qui est trash, c'est que dans le fond, toutes les autres compagnies qui ont eu des storefronts, eux autres, ils ont juste gardé le 30%, parce que pourquoi aller plus bas quand tu peux juste recevoir la même quantité de cash que Ah les oui. autres, tu sais, fait que Ah oui. c'est intéressant de voir que la compétition va pas nécessairement être un avantage pour le consommateur, des fois. Comme Epic Ben, est arrivé, ouais. puis eux autres, ils ont changé, mais ils ont vraiment essayé de briser le monopole. Mais quand t'offres quelque chose d'un petit peu différent, ou que t'offres des meilleurs prix sur les jeux, ou quelque chose du genre, ou que littéralement, tu mets pas tes jeux sur Steam comme Origin, mettons, je pense qu'ils commencent EA à remettre leurs jeux sur Steam. Je pense que j'ai vu passer ça récemment. Mais Change pendant. d'idée Ouais, régulièrement, oui. ben, ça fait 3-4 ans qu'ils sont plus sur Steam, puis qu'il faut que tu les achètes sur Origin. Mais c'est ça, il n'y a aucun intérêt pour eux de baisser leur cote à 30%, parce que les gens vont quand même aller sur Origin parce qu'ils veulent des jeux qui sont pas sur Steam. Fait, en tout cas, c'est ça, ben, c'est un peu pareil avec le App Store de Google puis le App Store de Apple. C'est que s'il y en a un qui prend 30%, ben, l'autre va prendre 30% aussi. Va pas couper dans ses profits, là. Oui, puis jusqu'à temps qu'il y ait assez de compétition pour qu'il y ait un compétiteur qui dise, dans ce cas-ci c'est Epic, qui dise comme, ben nous, notre différenciation, c'est que nous, ça sera pas 30%, ça va être juste 12. Ouais, puis nous on veut. Ouais, c'est ça. Non, mais Puis là, c'est pas soudainement, pareil les sur le autres sont mobile, comme, là. oh shit, peut-être qu'on est obligé d'ajuster. Ou va falloir qu'on change notre produit, ou, t'sais, ouais. Mais même encore là, comme. Je sais pas. Tu utilises-tu Epic, toi? Oui, hein, parce qu'on joue à Oublette. Moi, j'ai des amis qui veulent toujours pas l'utiliser. Parce que ça leur tente pas d'avoir un autre launcher. Mon Dieu. Mais Epic donne des jeux à toutes les semaines. Il y a absolument aucun intérêt à ne pas Faudrait. utiliser Epic. Mais il y a encore des gens qui résistent pour le principe. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que vous faites? Genre, pourquoi? Comme il y a juste aucun intérêt. Ou les gens vont me dire, genre, oh, mais là, Epic sont aussi véreux que. Oui, mais ils sont tous véreux, là. Fait que, genre, va voir Oui, c'est celui pas qui comme fait. Steam sont pas mieux Non, là. non, c'est ça, là. Tout le monde est extrêmement Yo, véreux, là. Fait que. c'est comme la raison En pourquoi tout on cas. sait pas combien Steam vaut puis Steam fait d'argent là, c'est parce que ils sont tellement riches qu'ils n'ont jamais eu besoin de faire une d'être cotés en bourse essentiellement puis d'être donc d'avoir une partie publique. Ils sont entièrement Privé. auto Autogéré, puis ils se possèdent eux-mêmes. Et donc, ils n'ont pas de compte à rendre à personne, ils n'ont pas à divulguer aucun chiffre à Nope. personne. Fait que donc, personne ne sait vraiment. Comme, yo, allez pas croire que Steam fait pas bien plus Aïe, d'argent! aïe. Et c'est tellement de la marde qui développe plus de jeux, mais c'est parce que ils ont plus d'intérêt. Tu sais, tu développes un jeu pour pouvoir faire vivre ton studio. Tu développes un jeu pour pouvoir continuer à développer des jeux puis avoir un produit à vendre. Mais avec Steam, ils développent plus de jeux parce qu'ils sont déjà riches. Genre, ils ont comme pas d'intérêt. Tu sais, il y a comme pas de. Il y a pas de moteur à l'innovation. Il y a pas de moteur à la créativité. Il y a rien qui te pousse dans le Pire que cul, t'es ça. déjà riche. Pire que ça, les employés de chez Valve sont très encouragés à travailler sur les projets qui sont rentables parce que ton salaire puis tes bonus sont en fonction de sur quoi tu as travaillé. Ah, Fait qu'il n'y a c'est pas personne qui a trash. envie de travailler sur un jeu qui va juste avoir un rendement de tant de pourcentage. T'sais, ah, est-ce que je travaille sur le nouveau. Half-Life en VR. Puis là, je vais avoir un bonus de genre 3 000 $ à la fin de l'année. Ou je travaille sur les nouvelles features du store, puis je vais avoir un bonus de 20 000 $ à la fin de l'année. C'est comme... Puis en plus, comme, Fait que les employés ça a tellement. eux-mêmes ne sont pas encouragés à travailler sur des jeux Ça a tellement été long avant à qu'on cause ait de des leur système de updates bonus. de Steam, genre, sur le UI, puis genre, l'interface, puis la facilité d'approche de Steam. Ça a pris genre 10 ans avant qu'on ait un changement, puis une amélioration. Esti, qu'est-ce que vous faites? Puis comme amélioration, Ouais, on repassera, là. c'est pas comme ça. J'espère qu'ils vont pas s'arrêter là, hein? Ouais, c'est ça. Puis Puis ce plein que de j'aime systèmes qui ont pas, fait qui ont pas c'est que marché. le client devient de plus en plus, comme la quantité de RAM qu'il utilise, là, Ah ouais, pour vrai? devient de plus en plus lourde. Le client devient de plus en plus gros. Puis celui de Epic, leur manière, il en prend beaucoup. Mais dès que tu fermes la fenêtre, il s'éteint comme, puis là, il Ah. prend presque plus de RAM. Ben c'est Je pense bien. qu'il shut down tout le visuel, C'est puis il pour ça tombe qu'il à genre, reload à chaque il fois que passe tu de l'ouvres. genre 200 MB de RAM. Là, j'exagère, c'est peut-être juste 100, je sais pas exactement. Mais il tombe à genre 3 MB. Ou en tout cas, il baisse de 10%. Puis quand tu pars un jeu, ben, il ferme sa fenêtre automatiquement. Fait que donc, il prend très peu de RAM. Alors que Steam, ben même si tu fermes la fenêtre, il continue à siphonner beaucoup de RAM. Mais tout le temps Le après là, désavantage, préoccupé. c'est que quand tu veux réouvrir la fenêtre de Epic Store, ben il prend un petit peu plus de temps à loader. Ouais, mais c'est pas grave là, c'est le store, tu sais. Ben, ou ton launcher, essentiellement. Ouais. Mais comme 3 secondes. Deux Ouais, secondes. c'est ça, Puis c'est comme rien de ça, c'est parce que bien. j'ai pas un SSD. Je suis sûr que si j'avais un SSD, ça serait bien plus rapide. Puis personne, ça dérangerait personne. J'essaie de me rappeler s'il est installé sur mon SSD, probablement. Mais c'est les jeux qui sont pas installés dessus, parce que il est tout petit, tout mini, mon SSD. Mais bref. Puis on n'a pas parlé du côté Google aussi dans l'histoire. On en a-tu Ben, parlé? c'est la On n'a même pas parlé. chose. Ouais, c'est ça, J'ai pas. c'est. C'est la même poursuite, c'est tout ensemble, ils sont tout aussi, c'est tout, ils sont pas mieux, là. Ouais, ils ont pas décidé Google. d'être le. Parce qu'ils auraient pu, genre, gagner du capital en étant le good guy, ou, tu sais, je sais pas, mais. Non. Ouais. On veut faire du cash, on va Mais faire du Google veut cash. faire. T'sais, Google a encore plus à gagner avec ça parce que Google fait pas vraiment d'argent sur les téléphones eux-mêmes, sur le hardware. Fait beaucoup fait plus d'argent sur le store, puis sur la publicité, là. Comme Google, pas un engin de recherche, là. Oh. Google, c'est une compagnie de pub. C'est une compagnie de pub qui offre des services de navigateurs Internet, d'engins de Pour t'aider à recherche. trouver les trucs qu'ils veulent le plus possible publiciser. Mais comme, c'est une compagnie de pub, puis ils prennent toutes tes données personnelles. Hey, c'est quoi encore que j'ai vu passer cette semaine? L'application YouTube sur Android, elle laisse le micro ouvert tout le temps, tu s'enregistres tout. Oh, tabarnak, Genre, sérieux? hein? Pourtant, si l'application YouTube sur Android, aussitôt que t'as minimisé, t'entends plus ce qui se passe, fait que tu peux absolument, puis il se met pas en tout petit dans le coin comme Netflix, fait que tu peux absolument pas faire autre chose sur ton téléphone en écoutant YouTube. Tu peux pas, t'écoutes YouTube, c'est tout. Non, Ça parce que ça, c'est une gosse. fonctionnalité payante. Ils Oui. veulent que tu t'abonnes à 15$ par mois. Yep. C'est plus Ça cher que gosse. Netflix. C'est Fuck 15$ that. par mois, arc. Je sais pas, je me souviens Ça juste que se c'est peut. comme plus cher que Netflix. Wow. Mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas payé moi-même le compte Netflix, donc je le sais pas. Peut-être que Netflix, c'est le même prix. Mais quand même une différence de valeur, parce que dans un cas. Comme 15$ par mois, il va à qui? Comme au My créateur des God. vidéos ou à Google entièrement? Non, il y a un genre de breakdown là. Puis ça me semble c'était compliqué. Ah ben on peut segouer là-dessus sur YouTube là. Vas-y. Je me rappelle plus. C'est sûr qu'il doit y avoir une cote qui va à YouTube. Mais après ça, il y a vraiment des cotes qui vont à ce que t'écoutes. Plus je me rappelle plus si c'est selon le temps que t'as écouté ou le nombre de vidéos, mais genre c'est vraiment supposé être splitté vers les gens dont tu consommes le contenu. Il me semble que c'était ça Okay, comme la donc promesse de genre YouTube comme Red. Spotify, mettons. Ouais, fait que ça va être des peanuts. Fait que ça va être des estis de peanuts. Fait qu'ils vont continuer à Ouais, te des faire des fractions de estis. scène. Fait que donc ils continuent évidemment à être encouragés à faire du clickbait. C'est Fait que sûr. donc ça continue d'être de la merde. C'est sûr. Et je ne vais pas participer à ça. Pour ceux qui cherchent une alternative à YouTube, il y a, moi, j'utilise depuis longtemps Invidious. Ouais, c'est plus chiant, mais ça fait que Google a aucune idée de quelle vidéo que tu regardes. Peut créer ta liste de, tu peux importer ta liste d'abonnements puis checker à partir de là. Là, Invidious, le site du créateur, le créateur de du logiciel, il a comme annoncé qu'il voulait s'éloigner du projet, mais il y a d'autres personnes qui reprennent le projet en main. Le site principal de Nvidius va être éteint, mais il y en a plein d'autres alternatives que c'est comme c'est tout le même logiciel, mais sur des serveurs différents. Puis comme tu peux t'installer ton propre serveur Nvidius si t'es courageux ou si t'es capable de faire d'installer des serveurs. Puis ouais, ça fait que tu peux tout suivre tes abonnements. Puis Google ne sait pas qu'est-ce que tu écoutes, puis t'as aucune pub. On parlait de Google, de Ouais, YouTube, tu voulais parler du du revenu de micro. YouTube puis de la démonétisation de à peu près tout. On voulait-tu parler de ça? Oh mon Dieu, oui. C'était quoi pourquoi qu'on parlait de ça? Ça, c'était avant le podcast, là. Je sais plus pourquoi on en parlait, par exemple. Démonétiser parce que Mais. tu disais que les annonceurs Ah, ok, ils ben aimaient que pas ça. c'est les annonceurs qui gèrent un peu le contenu. Ben, je pense que tu parlais du clickbait puis ces trucs-là, mais c'est vraiment les annonceurs qui gèrent le contenu que tu vas voir. Puis le contenu qui t'est poussé à regarder, c'est le contenu qui a des pubs dessus pour que Google fasse de l'argent. Sauf que c'est ça. Comme tout le contenu qui a de la moindre vulgarité puis sont rendus vraiment comme serrés là-dessus, les trucs qui parlent du COVID, les trucs qui sont trop politisés, etc., ben là, les annonceurs veulent pas avoir leur pub associée à du contenu comme ça. Fait apparemment que tout est de plus en plus démonétisé à outrance. Puis C'est vraiment le contenu qui ne l'est pas, c'est le contenu qui est approuvé par les gens qui font des pubs pour Google. Donc, à quelque part, c'est genre. C'est les compagnies de pubs qui gèrent YouTube. C'est comme si Google, il décidait de juste pas mettre de règles, pas prendre de responsabilité, pas rien faire comme ah ben, tu sais, on met de la pub, puis ben, les gens qui mettent leur pub, ils veulent peut-être avoir ça ou pas, mais c'est à eux de décider sur quoi ils veulent mettre leur pub. Puis... Mais l'algorithme de YouTube va juste te mettre dans ta face les trucs qui ont des pubs, parce que leur but, c'est de faire de l'argent, là. C'est vrai, Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de créateurs qui sont peut-être un peu plus en marge, qui sont peut-être plus politisés ou qui sont peut-être juste comme plus vulgaires dans leurs mots. Ou tu sais, de l'humour plus noir ou quelque chose du genre. Ben, ils sont pas sur le front page. Puis ils sont peut-être même pas sur ton front page. Toi qui écoutes leur contenu, puis qui like qui la est page, puis qui abonné. est abonné. Ouais, c'est Fuck. ça. Ouais. C'est laid. Ça, tu vois, c'est ce que j'aime beaucoup de Invidious, c'est que ta liste d'abonnements, c'est les vidéos qui sont sorties dans l'ordre qui sont sorties. Pas Nice. d'algorithme. Ben, il y a une page pour ça sur YouTube, là, mais Ah. je ne sais pas à quel point qu'elle respecte non plus. Je sais... Ben, j'aime pas ça la suivre parce que je suis trop de monde, puis c'est comme pas assez... J'ai besoin de quoi qu'il y ait plus des highlights que ça, là, parce que c'est tout le temps des votes de stream de monde que je suis, là, fait comme... Il y a Ah, comme trop voyons de donc. shit, là. Puis je regarde pas... En fait, je regarde pas YouTube assez souvent, parce que c'est comme, c'est déjà une page complète de trucs sortis dans la dernière journée parce que je follow trop de gens. En tout cas, bref, ça marche pas bien pour moi. J'ai trop de Ok, ouais. follow. Ouais, non, moi j'ai pas cette. Je suis des gens qui publient comme une vidéo par semaine ou moins. Ouais, il faudrait peut-être juste que je fasse un ménage, mais on dirait que c'est comme l'idée que c'est du monde que j'ai follow depuis des années, puis je veux pas les oublier puis les perdre de vue, là. Mais c'est ça, c'est beaucoup de gens, en fait, beaucoup de YouTubers que j'écoutais dans le temps. Puis qui ont fait l'exode vers Twitch, parce que beaucoup de YouTubers que ça vaut pas mal plus la peine d'être sur Twitch, déjà pour l'argent qu'ils font, les abonnements, etc. Les gens qui sont abonnés n'ont pas de pub, fait que souvent les gens aiment ça écouter sur Twitch parce qu'il n'y a pas de pub. Ça fait en sorte que ces YouTubers-là ont pas à se casser le cul à faire du montage, ils peuvent juste être live. Fait que là, y a pas de montage, y a pas d'upload, y a pas de mettre le jingle au début, pis là, t'sais, y a tellement moins de travail à faire, pis ben, le Ouais, le revenu, il truc vaut que je me plus... force à faire Ben hein, oui, c'est ça, le pour revenu vaut genre comme quatre plus la peine. personnes. Fait que... Mais c'est ça, mais après ça, ces gens-là vont juste, comme, uploader les votes sur YouTube, parce que tu veux pas, comme, perdre les gens qui étaient sur YouTube, ou, t'sais, y en a peut-être qui, justement, ont manqué le stream, pis tu peux aller le voir sur Twitch, mais si t'étais déjà sur YouTube, t'sais, en tout cas... Fait que moi, la majorité de ce que je follow sur YouTube à cette heure, c'est juste du monde qui Twitch, puis qui font juste uploader comme automatiquement, là, genre, pop, toutes leurs votes de Twitch se ramassent sur YouTube. Fait que ouais. Mais Fait que bref, tout les ça annonceurs, hey, ça c'est explique la, pourquoi comme quand tu on y suit penses Twitch. là, tu sais, on chiale contre Uber, mais c'est la même affaire. C'est comme Uber, c'est comme ah oh, mais nous on offre pas de, nous on est juste, on fait juste connecter des gens. Fait qu'on connaît, il y a des gens qui veulent conduire des chars, puis il y a des gens qui veulent être reconduits à des places. Ben nous on va juste connecter des gens puis se prendre une cote. Puis genre, fait que là c'est pas une vraie job, puis là ben on bypasse toutes les lois C'est puis. ça, c'est genre. Puis genre, on va faire full de Ah, cash. mais c'est de l'économie de partage, tu Fait sais, que là, c'est. YouTube, c'est comme s'ils disent, ah oh, ben nous, on n'est pas, on est, nous, on est Ah, comme ouais, gars, là. Il y a il y des a des gens gens, qui veulent faire des c'est ça. vidéos, il y a des gens qui veulent payer pour mettre leur pub sur des vidéos. Ben, on les connecte ensemble, mais nous, non, non, nous, Il y a des gens qui regardent des vidéos. Ben, on host le vidéo, I c'est guess. ça. Ouais, c'est ça, c'est Puis on se rendu. prend, on se Mais prend c'est une grosse tellement. cote. C'est tellement pas. C'est tellement plus que juste un site de hosting, là. Parce qu'il y a tellement d'algorithmes et de décisions qui se prennent derrière tout ça, là. Genre, c'est tellement plus complexe que eux autres. Ben, ouais, c'est pareil comme Uber, dans le fond, Google se déresponsabilise complètement quand, genre, t'as une aussi grosse plateforme. Comme ça vient avec une responsabilité, là. Puis ben c'est ça, Uber à la quantité de gens qui emploie, ouais, ça vient avec des responsabilités, là. Comme donne des Puis, assurances à ton monde, là. sais-tu qu'est-ce que j'ai appris récemment qui m'a jeté à terre? C'est que malgré toute cette quantité de bullshit et le trouble que, et les problèmes que ça cause, Uber et YouTube, aucune des deux est encore rentable. What? YouTube, c'est pas Uber, rentable? ils perdent de l'argent. Ah, comment ça? Parce que ça coûte plus cher de développer la plateforme que de. Pourtant, il demande Puis. une cote de fou. Ouais, Au mais ils resto, sont pas encore là? Ben, ouais, rentables. ben, mettons comme au resto, genre Uber Eats, là. Huh. Puis, en fait, toutes ces affaires-là, là. Fait que Uber, en ce moment, ils essayent juste de, comme, tuer la concurrence. Puis là, quand la Ouais. concurrence va être morte, là, ils vont pouvoir mettre les vrais prix full cher. Puis là, ben, Ouais, tout le guess monde va être c'est de comme même genre, que ah oui, mais tu. on est habitué, fait qu'on Ouais. veut plus changer. C'est ça, c'est même que tu commences le business. Hein. C'est comme ça que Ah ouais. toutes les, co Mais les YouTube est compagnies pas de web, c'est tout le temps. rentable. Facebook, c'était ça. C'est comme au début. Facebook a pas fait d'argent pendant genre 10 ans, 15 ans. Mais check-les-le. Check-les-là, maintenant, c'est rendu un mur de pub. Tout le monde qui utilise l'application Reface en ce moment là, ça me brise le cœur là. Je le sais que genre Google a déjà toute notre face là, mais ah. C'est quoi ça? T'as pas vu l'application Reface, c'est genre l'application que les gens utilisent pour faire des deepfakes là, qui mettent ton visage sur le visage de quelqu'un dans une vidéo. Fait que les gens font plein de Ah gifs animés mais avec leur face dedans, tu sais, c'est drôle, c'est cool. Ouais. Fait qu'ils ont des données biométriques de genre tout le monde. ben oui. Yay! C'est qui? C'est Google qui fait ça? Non, ouais, c'est ça, je pense pas. C'est qui a ça? Je veux dire, il y avait eu. OpenAI. En tout cas, je veux pas me lancer dans Clearview, là, mais comme. Si le sujet de reconnaissance faciale vous intéresse, vous irez checker Clearview AI. Ah ouais? C'est utilisé par la police. Comme. Mettez plus de photos publiques sur aucun média sociaux. Mais c'est ça, YouTube non plus, c'est pas rentable encore. C'est Ah, pour ça qu'ils c'est ont lancé vrai. les abonnements, parce que là, ils espèrent. En te faisant bien chier. Tu sais, comme la publicité, ça donne de l'argent, mais ça donne pas comme beaucoup d'argent non plus. Fait que là, ils espèrent qu'en te faisant bien chier, tu vas t'abonner, puis j'imagine qu'ils font pas mal plus d'argent avec un abonnement. C'est 15$ par mois, là, pour gagner, pour donner cet argent-là, faut que tu en regardes en esti des pubs. Pour que ça vaut 15$ par mois. Je pense pas que c'est. Que c'est même comparable. Fait qu'ils sont comme, ouais, les abonnements, on va faire plus d'argent avec ça. Puis ceux qui veulent pas s'abonner, ben on va faire de l'argent sur les pubs. Fait que comme ça, on fait de l'argent dans tous les cas. Mais Yep. c'est ça. Puis on parlait de. Ah! Oui, le truc que je voulais annon que je voulais parler, c'est que là, si on parlait d'Apple tantôt. On parlait de YouTube, puis de la publicité, puis que Google s'est rendu juste une compagnie de pub. T'as-tu vu passer Facebook a comme sorti des médias cette semaine pour dire comme qu'ils sont tristes parce que là, ils pourront plus traquer les gens aussi bien avec le nouveau iOS 14. What? Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu passer ça? Non. Donc, Apple a annoncé le nouveau iOS 14, puis parmi les features pas trop sexy que personne a porté attention. Moi, C'est j'ai plus de genre. produits Apple, là. Fait que. Comment? Moi, j'ai plus de produits Apple, là. Fait que, ouais, Ah bon. je suis pas full au courant. Ben moi, mon téléphone, je suis même pas capable d'updater à iOS 13. Fait Ouf. que 14, ça me passe aussi par-dessus la tête. Mais c'est ça. iOS 14, les compagnies de pub pourront plus. Il y avait comme. Essentiellement, ce que je comprends, c'est qu'il y avait comme une espèce de ID. Un identifiant qui disait genre c'est la même personne. Fait que quand tu loadais une autre application, l'application pouvait faire comme hey, je connais-tu, c'est qui ça? Puis là, tu donnais le ID. Puis là, le fabricant de l'application était comme ah oui, je le connais, je l'ai vu dans telle autre application. C'est pour ça que t'as des pubs qui sont tout le temps vraiment genre sur toutes les applications, t'as le même style de pub parce que c'est ton profil de Exactement. pub. Yep. Bon, ben maintenant, Apple, ils vont te demander la permission, genre, est-ce que tu acceptes que l'application que tu utilises puisse te traquer en dehors de l'application, dans d'autres applications? Ils vont te demander la permission comme à chaque, tu sais, de la même manière que quand tu installes une application, ils te demandent, veux-tu accepter les notifications ou veux-tu accepter de partager ta position ou tes contacts ou ton micro? Mais là, maintenant, tu vas ouvrir l'application, puis il va aussi te demander, est-ce que tu acceptes que cette application-là te traque ailleurs que dans l'application? Ce à quoi, honnêtement, tout le monde va répondre non. Mais là, moi, ma question dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il y a des apps qui vont t'empêcher de l'utiliser si tu réponds non à la question? Peut-être. Parce que des fois, les apps sont comme genre, est-ce que tu veux laisser cette app avoir accès à tes images puis genre tes contacts? Puis là, t'es comme non. Puis l'app est comme, ah, oh, mais les fonctionnalités de notre application ne fonctionnent pas, ont besoin d'avoir accès à ces choses-là, fait que là, ça marche pas. Puis ils font juste te leur demander à chaque fois que tu bootes l'app. Fait que ça se pourrait que les créateurs fassent comme new. En tout cas. Mais là, dans ce cas-ci, ça serait, mettons, Facebook. Ouais. Fait que là, tu vas ouvrir Facebook. Tu vas updater à iOS 14. Puis là, tu vas ouvrir Facebook. Puis là, il va y avoir une pop-up, pas de Facebook, mais de ton OS, qui dit Facebook aimerait te traquer en dehors de l'application. Est-ce que tu acceptes? Oui, non. Ce à quoi tu vas bien sûr C'est mieux de répondre dire non. non. Comme, voyons donc, qui va vouloir répondre oui à... Comme. C'est même pas Le une monde question de clique genre trop je le vite, sais là. pas, c'est comme ça fait, le message fait peur. Puis c'est ça qu'Apple, ils ont fait exprès, ils veulent faire Ouais, peur. ok. Bon, c'est bien ça. Fait qu'ils veulent que tout le monde réponde non à cette question-là. Puis Oui. là, puis donc, c'est ça. Ce qui est sorti cette semaine, c'est que là, Facebook a écrit un blog post sur leur blog pour dire genre Bouhouhouhouhou, nous sommes très tristes parce que là, nous ne pourrons plus traquer les. C'est un immense problème pour tous nos annonceurs qui utilisaient ce système pour pouvoir traquer efficacement. Là, si on n'est plus capable de traquer le monde comme il faut, on ne saura pas c'est quoi leur désir et les trucs qu'ils aiment. Fait que là, le rendement des campagnes, on ne pourra plus faire des campagnes marketing bien ciblées. Ça va être des campagnes comme pas trop bien ciblées. Puis là, dans ce temps-là, c'est bien moins efficace. Puis là, ben, on fait bien moins d'argent dans T'as ce oublié de temps-là. Comme. tourner ça pour le consommateur? En fait, il Hey, c'est disait, bien moins bien les pour le annonceurs feront consommateur. plus d'argent, puis là, les gens qui mettent de la publicité dans leur jeu, vous allez faire bien moins d'argent. Fait que là, comme. Oh, ils ont pas dit que Mais. genre c'est tellement à ton désavantage de pas avoir des trackers pour les pubs parce que là, les pubs que tu reçois, c'est pas les choses que tu voulais vraiment voir, tu sais. Non, le blog post est Non? vraiment Ok. destiné aux Parce que des annonceurs fois, et c'est ça. aux fabricants d'applications. Des fois, c'est ça. Tu sais, comme la pub, faut qu'elle soit tailored pour toi. Tu sais, fait que comme ça, t'es engagé avec la pub, puis t'es heureux. Ben, ça, oui. Ben, ça, tu as raison, effectivement. Puis, Qu'est-ce que ça honnêtement, m'écœure? c'est con, là. Puis, comme, au moins, qui est tout le temps à chialer contre la pub, puis tout, là. Genre. C'est vraiment récemment que j'ai désactivé ça dans mon téléphone. Parce que dans les settings de mon téléphone, c'est genre, est-ce que vous acceptez d'avoir un identifiant unique pour avoir de la publicité plus ciblée? Puis comme, moi, il est à on par défaut. Puis il a toujours été à on. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois de faire comme, ah, oh, je devrais mettre ça à off. Ah ouais, mais là, la publicité va être moins ciblée, ça va être plus plate. Oui, ben oui, c'est ça. Fait que souvent, d'habitude, dans leur PR, ils essayent de dire comme, ben là, tu veux pas voir des choses qui t'intéressent pas, tu sais, ton temps est important. Mais en fait, j'ai réalisé, c'est ça qui m'a convaincu de finalement activer ce setting-là pour l'enlever. Ma conclusion, c'est non, je veux pas voir des pubs ciblées. Je veux pas voir des pubs non ciblées. Je veux pas voir de pubs. Puis comme j'ai installé une affaire sur mon téléphone qui est quand même vraiment efficace Ouais. pour bloquer les pubs. Fait que, ben, moi, j'utilise Firefox qui déjà bloque les trackers en grande partie. Puis là, j'utilise. Ah, comment ça s'appelle? Je pense qu'il a fallu que je l'achète, mais c'était comme une pièce ou deux, là. Comment ça s'appelle? C'est le genre d'affaire que, genre, tu l'actives, puis là, ben, tu y penses plus. AdGuard Pro. Puis ça marche sur AdGuard mobile. Pro. Puis comme ça bloque. C'est toutes les pubs qui apparaissent dans le bas des applications, là. Ouais. Tout ça, c'est disparu. Huh. Ça bloque les pubs dans Safari puis dans les navigateurs. Fait que si, mettons, j'ouvre YouTube dans mon browser, parce que j'ai plus l'application de YouTube, je l'ai désinstallée, mais j'avais quand même des pubs avant, là, ça les bloque aussi. Ça bloque beaucoup de pubs de l'Internet. Aussi efficace que uBlock Origin là, sur ordi, mais ça fait quand même pas pire la job. Puis, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ça, c'est comme une espèce de faux VPN qui roule sur ton téléphone. Fait, Ok, essentiellement, ouais. l'application, elle regarde tout, puis elle dit, ça, c'est sa liste, je le bloque. Ok. C'est pas un vrai VPN, que c'est comme un serveur, là. Ça fait juste. C'est un autre genre de protection. C'est une protection contre la publicité. Puis, c'est sûr que le downside, c'est que s'il y a un jeu qui t'offre des bonus pour regarder des pubs, ben moi, ça marche pas. Je peux Ouais, c'est plus ça. parce qu'il n'y a plus de pub. Le jeu est comme, ah, il n'y a plus de pub. Mais que ça, Mais c'est ça comme, peut c'est sûr, je bloquer les ai bloqués. certaines, ouais, ça peut bloquer certaines fonctionnalités de certains jeux, là, ça dépend à quoi tu joues pis tout, Fait que, ouais, je me là. porte très bien avec ma vie sans pub. Cool. Ouais. Et j'encourage les développeurs en leur donnant de l'argent directement. Et les Mais sites de nouvelles, et les créateurs, et les youtubeurs, et tout ce monde-là. J'ai pas pu en faire l'expérience encore, mais j'ai un ami qui vient de s'acheter un RetroPie dans le but de fabriquer un pie hole. Oui! Oui. Donc C'est pas justement. un RetroPie, c'est un, ben c'est un Excuse, Raspberry un Pi. Raspberry Pi. Oui, il y a une RetroPie, mais en tout cas, il est rendu avec genre 5 pies, ça paraît lourd. Mais il y a comme un petit peu une Correct. addiction à patenter des Non, pies. mais. Mais là, c'est ça, il vient de se faire un pie hole, puis j'ai bien hâte de voir. Donc ça, c'est. Mais c'est-tu un peu comme la même chose que tu fais là? C'est juste que tout son Ouais. réseau. Chez lui, donc tous les appareils qui sont connectés sur son réseau Internet, les pubs sont bloqués à la source. Fait que son ordi, son PlayStation, son téléphone, la tablette, tout ça, il n'y a plus personne qui reçoit de pubs parce qu'ils sont bloqués aussitôt qu'ils rentrent, Ouais, grosso modo. J'ai genre? pas Ok. trop compris comment ça marche, mais essentiellement, ma compréhension, c'est que quand ton application ou ton site web essaye de se connecter à un serveur de pub, le pie hole fait comme, oui, c'est moi! Ici, ici! Puis il retourne nul. Ok. Nice! Ouais, j'ai hâte de passer chez eux, voir qu'est-ce que ça fait. Parce que théoriquement, si je suis connecté sur son Wi-Fi, ça devrait marcher. Fait Yes! que, ouais, j'ai hâte d'essayer ça. C'est Très vrai que je cool. devrais faire ça. Très cool, Puis, ouais. ouais. Je Ben, devrais c'est sûr que essayer ça va ça. marcher juste chez vous. Fait que tu peux garder ton AdGuard pour quand t'es pas chez vous. Oui, quand t'es connecté sur LTE, mettons. Ou 3G, ou whatever. Ouais. Ou Quoi de sur la mieux que ça? 5G. Quoi de mieux de se faire bouffer ses données de LTE par de la pub? Ah, oh, mon Dieu! Écoute! Et... Mon téléphone, là, tu sais, il était comme, ben, il est vieux, mon téléphone. La seule raison pourquoi il est encore super fonctionnel, c'est parce que j'utilise plus les grosses apps comme YouTube puis Facebook. Je passe tout par mon browser, pas par le site web de YouTube, parce que lui, il est rendu super lent, mais en utilisant Nvidius, qui est comme super épuré puis qui load super vite. Toutes les pubs sont bloquées, fait que tous les sites web que je visite sont beaucoup plus rapides, puis comme, Ouais, tu sais, quand. beaucoup Tu sais, quand plus tu scrolls léger. puis que là, ça. Parce que là, il load Ouais. une vidéo d'une pub, là. Ah, C'est comme, moi, j'ai plus ça, là. Fait comme, ah, si, c'est bien la oh, vie. mais là, AdGuard, je pourrais-tu le mettre pour qu'il soit juste sur mon browser, pis pas dans mes jeux, genre? Tu penses-tu que c'est une fonctionnalité qui est. Il y a beaucoup d'options, fait que peut-être. Man. Je vais essayer ça. De ce pas de bord. J'essaie de trouver sur mon téléphone, là, pour la première fois aujourd'hui, l'assistant Google s'est comme activé sans que je paye sur le piton. Là, je suis comme, oh, parce que moi, j'ai jamais activé le OK Google patente, puis mon téléphone s'active, là. Je l'ai jamais activé comme c'est voulu, là. Fait que pourquoi est-ce qu'il s'est activé tout seul aujourd'hui? Je suis comme, oh shit, as-tu décidé de changer quelque chose dans mon dos, là? Puis là, je suis comme pas capable de trouver c'est où que je peux dire, genre, non, mais je veux pas que tu m'écoutes. Mais probablement qu'il m'écoute pareil, mais. Ben, Ouais. comme je disais, YouTube semble, selon ce que j'ai lu cette semaine, semble que le micro reste actif quand tu l'utilises. Après ça, tu sais, comme. C'est Google qui font l'OS de ton téléphone. Oui, Les oui, gens. oui. C'est Google qui. Tu sais, les gens qui Tu fais disent genre, ah, exprès ben de moi, jamais activer j'utilise la des sienne. bloqueurs dans mon Google Chrome, j'ai des bloqueurs, puis comme, fait comme ça. T'sais. Non, non, tu utilises Chrome. Tu utilises un Android. Google, il sait tout qu'est-ce que tu fais. Comme, il sait tout qu'est-ce que tu fais. Comme, même s'il dit que ton micro, il est pas activé, il est peut-être Ouais, il est activé. probablement Tu le sais activé. pas. Pareil pour la petite lumière avec la caméra, là. Hey, AdGuard, ça marche pas sur mon téléphone, là. Sur Android, il est compatible avec uniquement deux browsers qui sont Yandex et le Samsung Internet Browser. Oui, OK. Ça marche pas avec Chrome. Mais sur Android, il y a probablement des Ah, il y trucs. a sûrement un C'est Chrome parce que Android, là, je hein? t'ai nommé une Ouais. affaire qui est spécifique à iOS. Là, si ça se trouve, c'est même pas la même application. Oh! Ouais. Ça avait l'air d'un truc. Ouais, j'ai remarqué Chrome AdBlock. Sur Android, ben, la première étape, c'est d'utiliser Firefox, I guess. Qui bloque bien des trackers. Il bloque pas la pub, mais il bloque bien des trackers. Puis après ça, je pense que sur Android, tu peux plus facilement installer des extensions pour ton navigateur. Je sais pas si je Donc, peux. installer uBlock Origin. Je sais pas. Ah, c'est tous des browsers que je trouve, genre. J'ai marqué Chrome AdBlock, Ouais. mais genre, ça me donne juste des browsers bloqués. Ouais. Ah. C'est, ça fait partie de la game, hein? C'est comme cette AdBlock est tellement pratique. frustration-là que je t'entends exprimer. De Ouais. dire genre, ah, oh, ça va être frustrant parce que ça sera pas mon Ah. browser. Toutes mes affaires, mes bookmarks vont pas être Ben, synchronisés. j'en ai Ben, pas tant sur oui. mobile. C'est souvent ça. C'est Ouais. comme, t'échanges de la facilité par de l'espionnage. Oh, OK, Ou dans le AdBlock, il cas crée de un VPN. Apple, t'sais, comme là, Apple, il limite plus l'espionnage. Fait que là, t'es comme, OK, bon, I guess que Apple se positionne comme étant, si tu veux un téléphone qui est sécuritaire puis qu'il n'y a pas d'espionnage, prends un téléphone à Apple. Mais on est un monopole sur le marché du App Store, puis on te laisse rien. Fait que comme tout, t'es dans une prison. C'est une belle prison, mais c'est une prison pareille. L'autre bord, c'est comme, c'est moins une prison, mais on t'espionne. Ouais, c'est ça. Lequel tu veux? C'est comme, il n'y a pas encore, tu sais, il y en a des alternatives. Là, il commence à en avoir des téléphones pas Android, pas Apple, genre de marque, ben, des téléphones genre open source ou libre. Mais c'est pas encore exactement mainstream, là. Ça va. Je pense que plus les grosses compagnies continuent d'être assholes de même, plus ça va. Plus les gens vont essayer. Tu sais, moi, c'est. Ça fait quoi, un an et demi, là, que j'essaye de me débarrasser de tout ça, puis j'ai pas encore tout réussi, mais comme, à chaque mois, j'ai comme, bon, un nouveau truc que je vais enlever de ma vie, là, que je vais switcher. Puis à chaque fois, c'est comme, c'est compliqué, c'est un autre apprentissage. Puis, ben, je suis un nerd qui a beaucoup de temps à perdre là-dessus. Comme le commun des mortels, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre là-dessus. Je sais que tu m'en parlais l'autre fois, là, c'est ça que tu me disais. Tu disais, genre, les trucs open source, c'est bien le fun, mais pas personne qui a le temps à mettre là-dessus. Puis c'est pour Ouais, ça c'est que. ça. Ben, c'est plus aussi parce que j'aime ça avoir tout le monde au même endroit. C'est pas tant que moi je veux pas mettre le temps là-dessus, mais c'est que si tu vas avoir tout ton entourage au même endroit, il va falloir que tout le monde veuille mettre le temps là-dessus. En tout cas, c'était mon Ouais, point. ben, c'est qu'il y avait des solutions pour avoir tout le monde au même endroit. Ces grosses compagnies-là ont réussi à comme nous faire arrêter de les utiliser. Comme le téléphone, les textos et les emails. Tout le monde était au même endroit. C'était tous des services qui étaient intercompatibles d'une compagnie à l'autre. Puis là, les grosses compagnies ont fait comme, hey, Gan, mon application est plus le fun, elle a des gros stickers emoji. Et puis, tu peux faire des appels vidéo. Puis, yay, c'est le fun, hein? Et puis, mais t'es pas compatible avec personne d'autre. Fait que viens sur Facebook Messenger. Fait que là, t'es obligé d'installer 14 applications de texto. Ben, moi, je les installe pas. Oh. Ben, t'en installes pas 14 parce que tout le monde est sur Facebook Messenger, tu sais. Ouais, mais je l'ai pas. Fait que non, pas tout le monde. Non, mais je veux dire, c'est ça la décision pour la plupart des gens, là. Comme nous, avec ma famille, t'sais, ma mère puis mes frères et sœurs, on s'en est sorti. Depuis que j'avais lâché Facebook Messenger, on s'en est sorti parce qu'on avait tous des Apple, fait qu'on était tous sur iMessage. Sauf que là, ma sœur a changé de téléphone, puis l'a rendu sur Android, fait que là, iMessage, ça marche plus. Puis mon frère, il Ouais, avait des mais problèmes mon aussi, père fait il que là, il y tripait si a on était tous sur iMessage, mais il y a moi qui fais chier, je pense. iMessage, ouais, c'est ça. Fait que Ouais. là, on a. Fait que là, ma petite sœur était comme bon, ben là, faut se trouver une autre application que Narf, il va pas chialer. Que c'est. Fait que c'est pas Facebook, essentiellement. Fait que là, je leur ai proposé. Il y a Wire, il y a Signal, puis il y a Telegram. Telegram, c'est peut-être la. Tu sais, c'est sûr que c'est toujours un trade-off. Hein. Il y en a des plus. Signal, Ça c'est c'est vrai. probablement la plus sécuritaire, mais c'est aussi un peu à cause de ça la plus compliquée à utiliser, comme un peu plus compliquée. Ça s'améliore, mais c'est pas encore là. Telegram, ben, c'est pas Facebook, mais ça reste quand même un truc un peu privé qui est pas 100%. Qui est sécuritaire, mais pas comme à tout casser, là. Mais comme pour des conversations de famille. Ben, il n'y a pas de pub, il n'y a pas Facebook. Ouais, c'est ça. Ça me convient. Les autres sont contents, ils l'ont tout installé, ils se sont tout amusés avec les gros stickers qui bougent. Animés. Fait que comme, alright, tout le monde est content, on peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer des fichiers de 2 gigs. Oh shit. Ouh. Pour envoyer des gros zips. C'est super lent, mais ça fonctionne. C'est mieux que rien. Fait que c'est ça qu'on utilise. Nice. J'ai fait un pas cette semaine, j'ai downloadé l'application Messenger sur mon ordinateur. Parce que comme ça, je peux continuer à chatter aux gens sur Messenger sans être tout le temps exposée à mon feed Facebook, que je vais toujours être distraite puis scroller comme Ouais. distraitement. Parce que tant qu'à ouvrir la page puis à attendre que quelqu'un réponde à ton message, mettons, ben là tu te mets à scroller, puis là tu te mets à lire, puis là tu te mets à répondre, puis là tu te mets Ouais. à genre t'ostiner avec des inconnus sur Internet puis être anxieux. Fait que j'ai. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai plus besoin d'avoir Facebook ouvert, puis à date, je pense que ça va faire du Attends. bien, là. Fait que t'es en train de me dire que Facebook Messenger, il y a maintenant une application desktop? Ouais. Parce que moi, il n'y avait pas ça dans le temps. Par contre, tu peux Non, aller c'est sur récent, je pense. messenger.com. Oui, il y a ça. Ça, c'est ce qui m'achalait le plus. En fait, comme le seul avantage que je vois là, avec l'application, là, c'est que Messenger.com, il prend la grosseur de ton browser, c'est-à-dire tout mon écran. Puis je trouve ça gossant de voir tout le texte, genre, étalé sur mon écran complet. Ah, Tandis toi, tu que veux que ça soit plus l'application. mince? Ouais, c'est ça. L'application, tu peux la resize. Puis elle faut le bugger, en fait, parce que si tu pèses sur le piton full screen, il devient full screen. Si tu repèses sur le piton full screen, il revient pas. Faut que tu te places. Fait que genre, elle est shitty, là. Mais bon. Ouais, je préfère que ce soit petit dans un coin. Mais pourquoi tu as pas juste comme détaché l'onglet puis faire ta petite fenêtre? Parce que là, quand je vais cliquer dans ma barre en bas sur Chrome, je vais tout le temps avoir deux options, quelle fenêtre de Chrome je vais ouvrir, puis je vais être capable de juste comme cliquer sur Chrome puis avoir mon travail. Puis là, cliquer sur Ah, ok. Messenger en bas. Ben, y a-tu moyen comme Chrome, quand tu ouvres deux Chrome différents, qu'il te fasse deux Chrome en bas, comme dans le vieux Windows? Ça Je sais existe pas ça? si tu peux le faire par application, mais tu peux le faire comme pour toutes. Ben, tu sais, j'ai tout. Genre, oui, tu peux, Toutes les choses mais je pense différentes, que c'est ça vrai. va pas juste le faire pour Chrome, ça va le faire pour toutes tes Ah, icônes ça en va bas. splitter tout. Ben, ça serait pas si pire, en fait. Ouais, J'aimerais fais pas ça. right-click sur ta barre de tâches, puis Ouais. fais ça. Ça revienne comme dans l'ancien temps. Ouais. Oups! Tout le monde Moi, voit tu mon vois, j'ai. splitting. Mais sinon, est-ce que tu connais le truc de faire Windows Tab? Windows Tab. Ouais! Peut-être pas une bonne idée de le faire maintenant T'as parce bien que raison. là, Je on vais fait une capture d'écran. fucker le stream. Moi, C'est bien plus Windows vite. C'est parce Tab. que j'ai la main sur la souris. Ça va plus vite de cliquer. Je sais pas si tu peux te Ah, le je peux mapper cliquer sur sur un bouton l'espèce de de vue souris. de tâche. Là. Non, mais c'est vrai qu'il l'a en bas, par exemple. Puis il y a le bouton en Mais c'est bas, parce que ouais. ça serait deux clics. Ça serait le bouton en bas, puis le cliquer sur ma fenêtre. Tandis que là, je fais juste un clic dans la barre de tâche en bas. Puis j'ai ma fenêtre. Ouais. Fait que Moi, là, j'ai c'est toujours encore. comme. Moi, j'ai plusieurs fenêtres de Firefox pour chacune de mes environnements. Comme il y a ma fenêtre plus de trucs de job, il y a ma fenêtre pour écouter de la musique que je mets tout petite. comme tu voudrais avec ton chat. Il y a ma fenêtre principale. Il y a ma fenêtre pour les trucs de podcast qui est comme sur un autre bureau. J'en ai beaucoup, fait que moi j'ai déjà ce problème-là, I guess. Mais j'utilise toujours le navigateur multi-fenêtre, je sais pas comment qu'il l'appelle. Le Task View. Ah ouais. Fait Ouais, que qui Task View. t'affiche toutes tes petites fenêtres, là, puis là tu peux cliquer sur celle que tu veux. Ah, combiner les boutons de la barre des tâches. Jamais. Yes. C'est Bienvenue à ce intéressant. podcast de On a juste une On vie dans apprend laquelle Windows. on parle Non, ça n'a pas de marché. Windows. Ça devait pas être ça. Ça n'a pas marché. Non. En tout cas, je t'aiderai après, là, au pire. Anyway. Fait que là, j'essaie d'updater la liste, là. Facebook qui chiale contre Apple. Ça va être vraiment. On est rendu Ouais, le. C'est le c'est. Ouais. podcast GAFAM. Mais pourtant, comme la semaine passée, moi pis Blob, on a juste parlé de jeu, là. Pis de bouffe. Non, Fait que c'est dans pas le fond, vrai. Vous avez ça chill. parlé. J'ai Hein? On a parlé de fait quoi? le montage, puis je vous trouvais bien cute au début de comme pas être capable d'embrayer sur un sujet. Ouais. C'est Mais on comme. est comme ça à Ah! trois des fois, là. Ah! Comment on fait pour changer de sujet puis aller Ah, sur un bon sujet? Puis ah, là, c'est comme incapable. C'est correct. C'est correct. C'est pas facile de faire un I guess que c'est pour ça podcast. que je suis là. I guess que je commence à avoir beaucoup d'expérience là-dedans après comme. Yo, ça doit faire 10 ans que je fais des podcasts, peut-être même plus. Wow! Wow! Ça va vite le temps. On est rendu vieux, Anne-Marie. Ah! Mais non, mais c'est bien. On est rendu sage. On a des beaux petits cheveux blancs de sagesse. Puis on va avoir une grande barbe de Gandalf. Peut-être que toi, t'en veux pas, par exemple. Pas sûr. Parce que la société n'aime pas les barbes sur les femmes. Des belles barbes de Gandalf, peut-être. C'est-tu toi qui m'avais envoyé. C'est-tu dans le podcast qu'on avait parlé de genre les. Ben, tu sais, genre RuPaul, Drag Race, les Drag Queens, mais il y avait aussi les. J'ai découvert. Non, c'était pas toi, je pense. Les Les Drag Drag King? Kings. Ouais, ben ça se peut que j'en ai déjà J'étais parlé. comme. Hein? C'est que c'est hot. What? C'est si cool. Puis, tu sais. Ou des Drag Queens qui. Tu sais, qui s'habillent en femme, comme. Parfaitement, mais qui garde la grosse barbe Puis le pour poil. faire comme Le un poil de statement. chest. Puis. Ben, ou pour Comme faire je suis une juste du fille, j'ai une gender barbe. fuck. Des fois, c'est ça aussi, de juste jouer avec le genre. Puis de Yeah. sortir quelque chose. Une combinaison qu'on n'a jamais vue. Ou. Ah ouais, non, les drag queens, c'est tellement plus large que ce qu'on voit sur RuPaul's Drag Race, là. Ça, c'est très, très genre. Le look féminin, le look pageant, le look parfait, mais comme. Quand tu sors un peu de ça, c'est tellement plus vaste puis tellement plus large. Je trouve ça particulier qu'il n'y ait pas. Ben, en fait, j'ai très peu écouté cette émission-là, fait que je ne sais pas, mais ils ont, à ma connaissance, jamais parlé des drag kings, donc les Non, femmes qui ben, s'habillent en hommes. on dirait que c'est comme pas ça le but du jeu, là. On dirait que c'est comme le but de la télé-réalité, c'est juste de genre d'avoir des gars qui essayent d'être la meilleure femme possible, là. Je trouve ça Ouais, non, c'est un peu gossant, mais de toute limitant. façon. Il aurait pu. Tu sais, je dis pas comme changer le concept complètement, mais comme tu peux en avoir un petit peu de temps en temps, là, faire une émission par saison, je sais pas, Ben, je sais un pas si tu. spécial. Ah, mais non, mais c'est parce que c'est les mêmes participants d'un bout à l'autre. Ils commencent le début de la saison. C'est pas des participants différents, là, c'est les mêmes, c'est une compétition. Mais. Ça, c'est le bout que je dis que j'écoutais pas vraiment ça. Ben oui, c'est ça, pis c'est là que je vois que tu connais pas non plus un peu l'espèce de point de vue politique de RuPaul pis de son émission, parce que il a refusé, ça fait des années qu'il refuse de mettre des femmes trans qui sont drag queens, pis qu'il était probablement avant d'avoir transitionné. Fait que, pis ça fait tout un débat, fait que genre, comme non, qu'il n'y ait pas de drag king, c'est genre pas surprenant, là. It's a whole thing. C'est une émission qui me fait vraiment triper, fait que je l'écoute beaucoup, puis je suis en train d'écouter la version canadienne en ce moment, puis qui joue les jeudis d'ailleurs en même temps qu'on fait le podcast. Puis, bref, je trouve ça super intéressant. Puis à chaque fois qu'il y a justement des petites avancées, genre sur le style des drag queens, qui permettent, comme par exemple dans la version britannique qui a eu lieu l'année passée, il y avait une drag queen avec du poil sur le chest. Puis genre, ils ont pas pété une coche, puis ils l'ont gardé, puis ils l'ont montré à la télé. Fait que genre, déjà, c'était comme. Ouais, je sais pas qu'est-ce que Gab dit. Mais bref, fait que déjà, c'était un pas dans la bonne direction. Puis je pense que dans la prochaine saison d'All Stars, il devrait avoir une femme trans qui est drag queen, mais encore là, c'est juste des rumeurs et pas encore sorties, on sait pas. Mais bref. En tout cas, ça vous tente de jaser de RuPaul's Drag Race avec quelqu'un qui écoute un maudit paquet de vidéos de drama sur YouTube, ben vous avez juste à vous joindre au Discord, on a juste une vie. Ça va me faire plaisir d'en jaser avec vous ça. Alright. La room générale sert à ça, Ah ouais, à des au trucs pire, on se généraux. partira une room. Puis on, C'est mon si c'est si c'est dada, trop envahissant, je c'est ferai ça. un autre canal. Ah. On n'a pas Tu voulais vraiment parler parlé de de jeu. Détective Pikachu, là. Il Oui, nous je veux reste parler de. comme 8 minutes. C'est parfait. C'est assez? Ouais, c'est Ah, assez. ok. On en a déjà parlé de Détective Pikachu, tu sais, puis. Mais là, je l'ai fini. Puis ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous avez vu le film, puis que vous pensez que le jeu va se passer comme le film, oh non! Oh non, Bamboozle, ça finit complètement différent. J'ai tellement surprise, là. Comme... Parce que le film, t'as vraiment une histoire, puis t'as une conclusion. C'est une histoire intéressante avec. Parce que dans le fond, t'as une conclusion. Tu sais, genre de film qui a une conclusion, que quand tu connais la conclusion, ça donne un nouvel éclairage sur tout le reste du film. C'est genre tellement un plot twist qu'après ça, tu peux réécouter le film au complet, puis là, noter tous les petits indices qu'il y a eu along the way qui hintaient que c'était peut-être ça, mais que t'avais pas remarqué parce que c'était trop. Trop cherché, trop tiré par les oreilles. Genre, trop tiré par les cheveux. Fait que genre à la fin du film t'es comme ah oh my god, puis là c'est ça, tu repenses au reste du film t'es comme ben oui c'était ça all along. Le jeu Ouais, finit je pas de l'écoute, même. ce maudit film-là. Ah oh, c'est cute, c'est full cute, mais le jeu ne finit pas comme ça. Le jeu n'a pas de résolution, de conclusion, de aha moment. Fait que What? genre ouais, Fait que le jeu fait ça juste finit comme pas? ah non il fait juste ça finit mais ah, on sait pas, on n'a pas retrouvé ton papa, peut-être dans une autre aventure. OK. Fait que dans le fond, ce serait comme si le film nous aurait comme un peu spoilé, genre c'est quoi finalement la con comme c'est quoi qui se passe pour vrai? Parce que le film il est comme genre c'était ça. Voilà, ça explique tout, tout est expliqué, on a une fin, conclusion. Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Voilà, non, mais en tout cas. C'est un papa pis son fils, là, fait que c'est louche. Mais le jeu fait pas ça! Le jeu fait comme, ah, ben on a réglé cette investigation-là, mais il reste d'autres choses à investiguer. Veux-tu que t'as pas eu la bonne fin? Non, c'est tellement pas assez compliqué pour ça, là. Aussi, une autre chose que je voulais updater depuis que j'ai terminé Détective Pikachu pis que je savais pas au moment où j'en ai parlé la dernière fois au podcast, je me rappelle avoir dit que c'était très très facile, mais que je me disais que probablement à force de jouer, tu sais, la difficulté allait monter graduellement. Non. Un enfant de 8 ans peut passer Détective Pikachu, c'est fait pour ça, je pense. C'est facile de A à Z. C'est vraiment fucking facile. C'est bon pour moi, ça. C'est ouais. Comme vous, genre, si t'es un adulte qui joue à ça, t'es là pour la ride, puis t'es là pour lire l'histoire, puis pour voir des Pokémon cute, puis être capable de leur parler, puis voir des investigations, puis voir le petit gars avec son Pikachu qui est grognon, grincheux, puis qui boit du café. T'es là pour ça. Mais si t'es là pour un jeu comme moi qui adore les jeux d'investigation, tu dois chercher, trouver des indices, tu dois connecter des choses ensemble dans ta tête, puis tu dois genre apporter des preuves, puis prouver ton point. Puis non, ben comme oui là, faut t'apporter des preuves, tu prouves ton point là, mais genre le détective Pikachu, il est comme, est-ce que nous avons vu ça quelque part? Te rappelles-tu lorsque nous avons examiné telle chose et que ça nous a donné tel indice? C'est vraiment bébé lalol. Ce serait peut-être un très bon jeu parent-enfant avec un Y enfant, a-t-il des ça se peut. settings? Non. Non. Ça, c'est... Non, c'est ça. Parce que ça sonne comme la mécanique de catch-up que Telltale mettait, puis ça, t'avais un setting pour dire comme Ah, ouais? je veux avoir les indices bien vite ou bien tard. Ah, je me rappelle... Sur quel jeu? Ben, Je me les rappelle pas de ça. vieux Telltale que tu Ah, OK. pouvais, Qui était que vraiment des t'avais jeux d'aventure, là. que t'avais besoin de actual chercher. De réflexion. Ouais, OK. T'avais besoin de chercher Ah, pour de intéressant. vrai. Mais Que non, tu c'est pouvais vraiment... réellement rester bloqué. Ouais, c'est vraiment un jeu fait pour les enfants, mais c'est ça, ça. La fin laisse vraiment présager qu'il y aurait un 2. Sauf que je sais pas si le jeu a vendu suffisamment pour qu'il y ait un 2. Puis il y a jamais. Tu sais, ça fait quelques années qu'il est sorti, là. Puisqu'il est sorti quand même pas mal avant le film. Ça fait un an que le film est sorti. Fait que. Puis il y a toujours pas d'annonce de 2. Fait que, tu sais, je sais pas s'il va en avoir un, là. Mais ouais, c'est un peu plate que ça finit comme genre. Mais c'est ça, si vous connaissez la fin du film, vous allez vous attendre à ce qu'il y ait une résolution à la fin. Puis là, c'est tout le monde qui l'a écouté. Genre, tu sais, je veux juste pas spoiler, là, mais comme, il y a une résolution à la fin. Dans le jeu, elle est pas là, pis c'est weird. Je comprends pas ce C'est comme si le film m'a spoilé le détective Pikachu, mais genre, legit, parce que le jeu t'a pas dit c'est quoi le plot twist. Je suis comme, what the fuck? Ça devait être si weird. Avant qu'il y ait le film de jouer au jeu, ça devait être si fucké, parce que c'était juste une fin ouverte, pis tu sais pas ce qui s'est passé. Ça devait être si fucké parce que là, les gens qui ont joué au jeu puis qui ont vu le film après ont fait ah ah! Ah, yes que c'était ça! En tout cas, bref, Bamboozle. Vraiment surprise. Je m'attendais pas à ça. Je trouve ça weird, les trucs mainstream qui ont des fins ouvertes comme ça. C'est comme, c'est pas une fin ouverte. Tu sais, d'habitude, quand t'as une fin ouverte, Mais. c'est parce que t'as un message à passer. C'est comme la fin ouverte dans Inception, l'exemple classique. C'est comme, ça sert à te faire réfléchir, mais comme, elle a un but que ça soit un petit peu ouvert. Puis on a quand même résolu presque tout. Il y a juste comme un petit détail qu'on te laisse, toi, l'auditeur, on t'est comme, OK, réfléchis un peu là-dessus. Puis, clin d'œil. Ouais, non, là, il y a Comme, rien à puis il y en a réfléchir. plein des films comme ça qui ont, ou des fins où là, on veut te montrer que ça finit mal. Mais on essaie Fait que de comme la fin t'apprendre est quelque ouverte, on chose. Ouais. résolut pas l'enquête parce que ça finit mal. Mais des fins. Ou X-Files qui finissait toujours parce qui résolvait jamais tous les mystères de l'épisode parce que c'était comme ah la vie est mystérieuse et dans l'au-delà et dans les extraterrestres fait que c'était ça comme la thématique de la série mais là c'est un jeu pour enfants c'est comme il y a Ouais, pas de c'est but à cette fin ouverte là autre que pour faire une suite qui n'arrive pas. ça. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y Excuse, a? j'ai juste tapé genre Détective Pikachu Game Ending, mettons. Sur Screen Rant, ça indique que en fait, les joueurs qui ont joué au jeu ont eu une théorie, puis que le film a fait That's it. Fait que, en fait, ça What? serait pas les créateurs du jeu qui ont fait « Oui, mais c'est réellement ça qui s'est passé, puis c'est ça le plot twist. » Ça serait, genre, les gens qui en ont parlé, puis les créateurs qui ont fait, du film qui ont fait « Mais ça fait plein de sens! On va mettre ça! Wow. » Ça me fait capoter! Je vais lire ça. Tu viendras nous en rejaser sur le chat Discord. Ouais. Oh my god. Mais ça serait vraiment drôle que les créateurs du film étaient comme, ben là, la fin est vraiment poche, faut qu'on invente une fin. Puis ils vont sur Internet, font comme, ah, les fans ont inventé une fin. Ça fait du sens. Alright. On prend ça. Yep. Ben oui, Ben oui. c'est probablement ça qui s'est passé. Ça veut dire qu'ils ont pas demandé à genre Monsieur Pokémon, genre, c'était quoi ton but? À Monsieur Monsieur Pokémon, dis-moi. Pokémon. La personne qui décide le lore de Pokémon. L'auteur du scénario de Détective Pikachu, genre. Lui, là. Ah, mon Dieu, parlant de Monsieur Pokémon, ça va être mon mot de la fin. On est-tu prêt pour les mots de la fin? Oui, ben oui, ben oui. J'ai écouté SGDQ la semaine passée, puis la dernière run de SGDQ le samedi soir, c'était Pokémon Shield. Puis... Je sais pas, moi j'avais entendu du positif de Pokémon Shield. J'ai pas joué, là, je joue plus au jeu mainstream. Mais tu sais, j'écoute des podcasts, puis y a du monde qui l'appréciait. Il y a du monde qui l'apprécie moins, mais comme. Bon, c'est toujours. Les nouvelles itérations de Pokémon font jamais comme complètement l'unanimité, là. Mais mon Dieu, j'ai vu le character design le plus absolument horrible que j'ai jamais vu de l'humanité. Comme, on dirait qu'il essaye de pousser des fois l'esthétique dans... Tu sais, des fois, t'as une série qui dure depuis des années. Puis t'essayes de moderniser ton esthétique. Puis t'essayes de rester cool pis hit pour les jeunes. Puis là, tu cherches un peu. Puis tu cherches peut-être un peu trop. Des fois, il y a du overthinking dans le design pis dans l'esthétique, là. Mais ça, c'est la chose la plus overthink pis tout croche du monde. En tout cas, pour les gens qui connaissent Pokémon Shield, maintenant, il y a un DLC qui s'appelle Isle of Armor. Pis t'as une rivale. Non, un rival. Là, et... Je me rappelle plus parce que, juste de toute façon, visuellement, c'est vraiment fucking ambigu. En tout cas, toi ou ta rivale dans Isle of Armor, le character design, comme son style, son linge, c'est, je comprends pas que quelqu'un peut avoir designé ça pis pas avoir perdu sa fucking job. Ah, oh, c'est lettre, là! C'est lettre, là! Ça clash, mais là! Mais lettre comment? Ah, oh, c'est genre un chapeau haute forme extrêmement haut avec des pokéballs qui gravitent autour. Fait que genre, dans tu sais, ils ont l'esthétique est de plus en plus, genre, qui fait de plus en plus du sens quand même avec Pokémon. De plus en plus, les trainers ont une ceinture à la taille avec leur Pokéball sur la ceinture, tu sais, parce que t'as tout le temps ta team avec toi. Fait que tu sais, que ce soit dans ta sacoche, ta ceinture, quelque chose. Fait que les gens traînent un holster de Pokéball, tu sais. Mais là, c'est un chapeau haute forme absolument immense avec des Pokéballs qui gravitent autour. Il faut que je le trouve. Il y a des shorts avec des bas inclus. Il y a des shorts avec des culottes avec des bas inclus là-dedans. Ok, c'est juste dans Pokémon Shield. Avery. Des shorts avec des bas. Ouais, mais il y a des shorts avec des petits souliers fancy, puis des bas jusqu'au à mi-mollet avec du frisou. Mais l'affaire, c'est que c'est comme un Pokémon Trainer, puis là, dans... Pokémon Shield et Sword, les gyms, c'est maintenant genre des vrais grands gyms comme un terrain de football avec une audience, puis tout le monde porte une espèce de petit suit de joueur de soccer, genre, de petit t-shirt puis short avec ton numéro en arrière puis ton nom en avant, genre, ton numéro c'est tes shorts puis tu sais, c'est sportif, là. Fait que Avery, il s'appelle Avery, comme le papier puis les étiquettes. Avery. Il porte ça puis c'est genre rainbow. Sauf qu'il y a quand même une espèce d'esthétique de « je suis un gentleman britannique victorien » parce que ça se passe comme dans quelque chose qui ressemble à la Grande-Bretagne. Fait qu'il y a une espèce de tu sais, une espèce de cravate, mais qui est juste du frou-frou, là. Ah, oh, comme... mais pas une fraise, Edgeworth juste sur le devant. Dans... Oui. Comme Miles Edgeworth dans Phoenix, ouais. Wright. Comment qu'on appelle ça? En tout cas, une espèce de cravate sur le devant qui est juste du frou-frou. Puis là, c'est ça, les bas fit avec ça. Mais son espèce de kit de joueur de soccer. Puis des grosses lunettes rondes. Puis un chapeau de forme vraiment trop haut avec des pokéballs qui gravitent autour. C'est le pire design que j'ai vu de l'humanité. Pourquoi est-ce que ça a passé? Est-ce que cette personne-là Alors, a perdu son job? J'espère. Il y a beaucoup de couleurs. Penses-tu que c'était comme une tentative d'avoir un personnage LGBT? Peut-être, parce friendly. Que c'est sûr que, comme... Ben non, j'en venais de Pokémon Company, genre non, je ne pense pas. Ben, ou ambigu, parce que comme, ah, parce que effectivement, c'est ambigu, là, jamais... si tu es un gars, c'est une fille, c'est on n'est pas trop sûr, ouais, sinon, puis c'est correct de même. Parce que les cheveux sont super, super longs aussi. Mais ouais, le côté rainbow, mais le look, genre, mais pourquoi? Tu vois, c'est moi, lui si de, j'avais lui à le décrire, c'est, imaginez un, c'est qu'il porte comme un tailleur, un veston cravate, tu sais, comme un veston plus de femme, on va dire, ouais. Avec avec un pantalon Puis il y a style un gars. Pantalon qui va avec un veston, comme pour t'habiller pour aller travailler chic, ou ce que tu mets à un enterrement, sauf que c'est mauve. Pis c'est des shorts. Oui. Fait que ça fait un peu... Mais t'as toutes tes tags de soccer dessus, t'as ton numéro, t'as ton, avec des... ton ouais, crest comme... de ta team. C'est comme habillé chic, mais sport. Ouais. Avec des souliers de filles à talons, pis des froufrous des comme souliers les personnages victoriens, d'animé. Comme... Ouais. Ouais, Comme des les froufrous princesses. de Lolita, là. Ouais, Lolita, c'est ça le ouais. mot que je cherchais, je Pis pense. Un gant, parce que tu peux pas être un personnage edgy avec deux gants ou aucun gant. Il faut que t'ailles un T'es seul sûr que gant. c'est un gant? T'es pas... Moi, j'ai l'impression que c'est un gant blanc et un gant mauve. Oh shit, peut-être. Mais c'est parce qu'il y en a un peut-être. Qui a un coffre, puis il y en a un qui a pas de coffre. Fait que je pensais que t'as... Non, mais t'as raison, il y a une délimitation. Ben oui. Mais tu peux pas être un personnage edgy puis avoir deux gants pareils, d'abord. Ça va être mon statement. Est-ce que je trouve... En tout cas, bref, j'en revenais pas, genre, ce soir-là, j'étais juste flabbergastée. Juste... Quelqu'un a dessiné ça. Puis un panel de gens. J'ai mis un lien Ah ouais. plus T'as raison, il y a un gant blanc. Ben ouais. Ah oh non, puis t'as raison, il y a un gant mauve puis un gant blanc, mais c'est juste un bracelet. L'autre affaire, c'est pas connecté à son gant. Ouais, fait que un ça a bracelet. passé. Ça a passé devant, genre, une équipe de game design Mais ils qui ont sont dit. tous les personnages sont weirdos de même. Ils sont tous Oh non, mais ça, c'est super pire, là! excentriques. Oh, c'est pire, mais ça... Là, ça a dépassé ma C'est... limite. C'est ça, ma limite a dépassé, là. Parce qu'il y a même Wow. l'autre, comme dans le lien que j'ai mis, il y a l'autre, il y a le personnage de Sword, ton rival de Sword qui est là. Puis, ben, c'est mieux. C'est très, très genre... Oh, fuck. Anne-Marie, Je me dis, en le disant, ça allait être drôle. représentante de la La c'est quoi mode. le mot que je cherche? Non. Non, non, non, non. Comme de la patience et de l'acceptation Ah! de tous. Je Anne-Marie, qui un suis tellement modèle frustrée de vie d'acceptation et de tolérance, a décidé que enough is enough! cette limite. Un stick, c'est laid! Les shorts sur un tailleur avec des numéros de sport chic, avec juste un gant, un chapeau et des Pokéballs, c'est non! Mais des bas à froufrou, Lolita! C'est Et des bas de non! Lolita à froufrou, c'est non! Mais tout le reste, correct. Wow. Je dirais que la team, tu sais, la team de méchants, là, comme la team Rocket, mais là, à chaque génération, c'est une nouvelle team, là. Celle de Sword and Shield est pas cool. Ils ont essayé de Et pas cool. s'inspirer. Non! Ils font dur, là. Ils s'appellent Team Yell, puis ils font juste crier, comme Yell. Ils gueulent. What? Ouais. Ils se sont inspirés de la culture punk britannique, mais c'est vraiment moche. Ils sont vraiment moches. C'est un peu triste. Je vais vous trouver des images. Bref, c'était mon Ça mot de fait un la fin. peu... Les designs de Pokémon, là. On a atteint le fond. Et il continue à pousser là-dedans. C'est pour les enfants. Les enfants, Je ils aiment ça. sais. Ils s'en rendent pas compte. Mais bon, bref, j'ai mis le lien pour les personnages. Mais je sais pas si vous vous rappelez dans le temps de Team Aqua puis Team Plasma, où est-ce que ça avait vraiment l'air de des Oui. méchants en uniforme, c'était sérieux, tu sais. Là, ils ont de l'air chic. Ils ont de l'air punk chic. Ouais, ben. Métalleux. Ils ont de l'air... C'est pas autant ouais, c'est plus métalleux. C'est Oh, comme, ouais. Je sais pas, j'aime moi, la j'ai. musique métal, je m'en vais dans des festivals, mais avec beaucoup de roses. Ouais, je connais beaucoup de métalleux qui font pas dur de même, honnêtement. Le maquillage, c'est pas du maquillage de métalleux. C'est du maquillage de Ben rien, là. Queen. C'est... Non, c'est Je sais juste pas. rien. Qu'est-ce que, dans ton image, la fille a tient comme un poster? Ouais, ça, c'est un autre personnage. J'ai pas su... Parce que le problème, là, c'est que j'ai regardé le speedrun, tu sais. Fait que je sais qu'on s'est battu contre cette fille-là plein de fois, puis tous les gens de la team Yell, ils arrêtaient pas de l'appuyer, mais j'étais pas sûre si elle était de leur côté. Je sais pas si c'est leur idole ou quoi. C'est la rivale or something. Mais c'est pas ta rivale dans le jeu, parce que ta rivale, c'est comme ton meilleur ami d'enfance, là. Comme c'est souvent le cas, là. C'est quelqu'un qui vient de ton village d'enfance, puis qui a juste pogné l'autre Pokémon Évidemment. avec toi, là. Fait que, elle, je sais pas trop, là. C'est ça, le problème à regarder le speedrun, là. Stuff happened. Puis finalement, ils ont fait le DLC, puis il était 3 h du matin, puis je me suis endormie dessus, puis c'était la fin de SGDQ. C'était très bien, par exemple. Ah, oh, c'est vrai, j'ai pas eu le temps d'en parler. Ben, je sais pas si on a le temps, là. As-tu le temps de parler de qu'est-ce qui s'est fait sur SGDQ? On peut en parler après, au pire. C'est Ouais, pour on est toi. rendu un peu tard. Ah oh, non, Adblock, il me met des notifications pour me dire qu'il bloque des shit. Stop that. Comment ça, Adblock me met des notifications pour dire pourquoi qu'il y a des pubs sur Adblock? Bon, attends, on en reparlera après, là. God C'est damn it! peut-être pas la bonne affaire que t'as installée. Ouais, bye bye! Goodbye! Adieu! La saga, on continue. Bref, on conclut tout ça. Yes! Ben moi, mon mot de la fin, je sais pas si j'en ai, mais joie ou blesse. Ouais. Un petit peu de temps en temps. Good. Encore le fun. C'est mais même je joue le fun, comme juste un peu de temps une en temps. demi-heure par semaine. Fait que ça va pas vite. C'est correct. Moi, j'apprécie que ce soit le fun. Ça, je disais, Stardew Valley, si tu joues une journée de temps en temps, ça sera pas satisfaisant. Mais ce jeu-là, c'est le fun. Yeah. Fait que c'était mon mot de la fin. Et c'est ce qui nous amène vers la fin de cet épisode de On a juste une vie. Mm-hmm. Si vous voulez plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner en allant sur notre site web onajusteunevie.ca. Et trouver les liens vers... on est distribué sur Apple Podcasts, YouTube et Twitch. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles parce que les algorithmes, apparemment, c'est important. Et n'oubliez pas de tout bloquer la pub parce qu'on fait pas d'argent avec ça anyway. Si vous avez des questions, vous voulez nous écrire, on a des emails, cette technologie qui fonctionne encore et qui fonctionne peu importe la compagnie que vous utilisez ou l'application que vous utilisez. info@onajusteunevie.ca. On est aussi sur Discord. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous veniez nous rejoindre et jaser avec Anne-Marie de RuPaul Drag Race. Oui, ça va me faire plaisir drama. De vous donner le latest tea. The latest tea. Merci Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir dans ce chill cast. Dans lequel on était quand même plutôt sérieux, en fait. Ouais, mais on n'a pas parlé de jeux vidéo tant que ça, I guess. On a parlé de Detective Pikachu. Non, on a parlé du film aussi beaucoup, fait que ouais, raison. Correct. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine parce que. On a juste une vie. La façon qu'il a battu le dernier dragon, je sais comme pas trop si c'était un exploit ou si c'était voulu. Parce que ça impliquait de faire spawner un lit dans ta face à chaque fois que le dragon il t'envoyait quelque chose, puis ça explosait. Fait que je sais pas si c'était un exploit. C'est pas voulu, ok. C'était vraiment chouette. Ok, ça a pas l'air vrai. Ça fait deux fois que je leur dis que les emails de Kid Fox Games, ça va pas dans le spam. Ça veut dire que j'ai manqué les newsletters de Boyfriend Dungeon, les meilleurs newsletters de l'histoire de l'humanité. Je suis vraiment fâchée. Wow. Pis là, ben, j'ai manqué, là, j'ai dans mon spam, le dernier courriel de Kid Fox Games qui est sur leur nouveau jeu, qui s'appelle Popperazzi, Popper comme un pitou. Plus j'ai l'impression que c'est fucking Pokémon Snap avec des pitous.